Oui. Oui. Oh mince. Zut. Oh zut. Oh bah merde. C'est vraiment pas de chance. Oh non. Yes. Alors, long story short, on a récupéré l'antenne. Yes. Alors, long story short, on a récupéré l'antenne. Yes. Alors, long story short, on a récupéré l'antenne. Yes. Yes. Yes. C'est pas gagné, hein. Oh, seriously? Eh ben, super. Oh, il va faire une demande en mariage! Oh! Bah non, il est déjà marié. C'est sa femme. Vous suivez rien. Il va faire une demande en mariage? Oh. Bah non, il est déjà marié. C'est sa femme. Vous suivez rien. Waouh, trop mignon. So cute. So cute. Oh. Encore? Mais on a compris, hein? Qui pense faire une partie de Quattro plutôt? Encore? C'est bon, on a compris. Qui pense faire une partie de Quattro plutôt? Hein? Who's coming? Let's play! Yes! Oui! C'est ça. Nickel. Exactly. All good. Almost. Yep. Yep. Parfait. C'est pas faux. Ah ouais, c'est vrai que... c'est vrai. C'est vrai. Ok. See you. Bah, d'accord. Ouais, bah, salut. Tchou.